Aujourd'hui, dans Affaires Sensibles, l'histoire de Carlos, le terroriste numéro 1 mondial, comme disait l'ancien ministre de l'Intérieur, Gaston Defferre. À la maison centrale de Poissy, un homme de 65 ans, au visage rond, un peu empâté, cheveux blancs en arrière et fine moustache, purge sa peine de réclusion criminelle à perpétuité. Ses gardiens le disent cultivé, très intelligent, vraiment impressionnant, très manipulateur aussi. Cet homme, c'est Ilich Ramirez Sanchez, plus connu sous le nom de Carlos. Il a des dizaines de morts à son actif. Pendant une quinzaine d'années, il a été traqué par les services secrets français et par des espions de plusieurs pays. Raconter la folle équipée de Carlos, c'est se plonger dans les années 70, la période du marxisme, du tiers-mondisme, de la lutte armée, de la cause palestinienne. Raconter Carlos, c'est aussi ouvrir les pages d'un roman d'espionnage noir et cruel. Il est toujours gênant de parler de mythe à propos d'un homme qui a assassiné froidement. Mais il faut bien reconnaître qu'une légende s'est construite autour de Carlos. Il est même devenu un personnage de fiction avec la série du réalisateur Olivier Assayas, diffusée sur Canal+ en 2011. La vie de ce révolutionnaire playboy qui a toujours aimé les jolies filles, l'alcool, la nuit et les pistes de danse le rapproche plus d'un héros de SAS, la série policière de Gérard de Villiers, que d'un militant révolutionnaire austère. Alors, comment ce marxiste convaincu, épris de justice et idéaliste est-il devenu un tueur professionnel? Pour le compte de quels états, de quels services secrets a-t-il travaillé? Fut-il manipulateur ou manipulé dans cette dérive sanglante que nous allons évoquer aujourd'hui? Nous en parlerons également avec notre invité, Laszlo Liskay, journaliste d'origine hongroise, qui a écrit « Carlos, à l'abri du rideau de fer », un livre de référence sur les liens du terrorisme avec les anciens pays de l'Est. Affaires Sensibles, une émission de France Inter, en partenariat avec l'INA, préparée par Thierry Leclerc, avec le soutien des documentalistes de Radio France et de l'INA. Attaché de production, Léa Dupuy-Henquin, coordination Christophe Barrère, programmation musicale Thierry Dupin, réalisation Coy Nguyen et Jérôme Chélius, à la technique aujourd'hui Sandrine Laurent, Jean-Philippe Jeanne. Fabrice Drouel, Affaires Sensibles, sur France Inter. août 1994, Khartoum. Dans un hôpital de la capitale soudanaise, un patient vient d'entrer au bloc opératoire. Cet homme de 45 ans, qui était admis pour une opération bénigne, s'est fait enregistrer sous le nom d'Abdallah Barakat. La présence de cet homme d'affaires ne trouble personne. Il en existe beaucoup dans cette capitale commerçante écrasée par le soleil, située au confluent du Nil blanc et du Nil bleu. Mais Khartoum, dans les années 90, c'est surtout l'une des capitales de l'islamisme mondial. Le régime du président Omar Hassan al-Béchir, qui a pris le pouvoir après un coup d'état militaire, est inscrit sur la liste noire des États-Unis. Abdallah Barakat, le patient hospitalisé, vit au Soudan depuis un an seulement. On ne sait pas grand-chose de lui, sinon qu'il vient de Jordanie et qu'il vit en compagnie d'une jeune femme charmante d'une vingtaine d'années, prénommée Lana. L'opération chirurgicale se passe bien. Le patient sort du bloc. Mais dans la chambre post-opératoire, il reçoit la visite d'un mystérieux personnage, un homme des services secrets soudanais, qui avertit M. Barakat qu'on cherche à le tuer. Le malade accepte aussitôt qu'on le transporte dans une villa à l'est de la capitale. Mais l'homme s'est endormi avec des somnifères, le piège. Car derrière cette opération, il y a les agents français de la DST qui n'ont plus qu'à embarquer le patient dans un avion militaire pour Paris, un peu comme on vient chercher un colis. Monsieur Barakat, l'homme qui a été extradé dans ces conditions rocambolesques, extradé ou plutôt enlevé, comme le diront plus tard ses avocats, n'est autre que Carlos, le terroriste international. La France le recherche depuis une quinzaine d'années pour une série d'attentats commis à Paris, Marseille et Toulouse. Lorsqu'il reprend conscience dans l'avion de l'armée de l'air qui le conduit à Villacoublay, hâbleur et grand seigneur, il dit à ses messieurs « Chapeau bas, beau travail de professionnel ». Place Beauvau, au ministère de l'Intérieur, Charles Pasqua jubile. Il a dirigé l'opération dans le plus grand secret. Pour le ministre de l'Intérieur, mettre la main sur l'un des hommes les plus recherchés de la planète est un coup politique extraordinaire qu'il exploite aussitôt, comme il sait si bien le faire, devant micros et caméras. Au début de cette année, mes services ont été informés avec une assez grande précision de la présence possible du terroriste au Soudan, où, muni de faux papiers, il était entré clandestinement. J'ai donc décidé, par des moyens appropriés, de vérifier cette information par des preuves irréfutables. Cette information s'est ainsi trouvée confirmée. À plusieurs reprises, nous avons eu l'espoir que Carlos nous serait remis. À plusieurs reprises, ces espoirs ont été déçus. Hier matin, les autorités soudanaises nous ont fait savoir qu'elles avaient elles-mêmes identifié Carlos de façon certaine et qu'elles étaient disposées à répondre immédiatement au mandat d'arrêt émis par les autorités judiciaires françaises. L'acheminement de Carlos vers Paris a alors été organisé. La DST s'est assurée de sa personne à son arrivée à Villacoublay. Derrière cette opération, il y a surtout un homme, un vétéran des services secrets, que Charles Pasqua ne cite pas. C'est le général Rondeau, qu'on retrouvera plus tard dans l'affaire Clearstream, et qui a réalisé un coup de maître. Cet homme de l'ombre a mis en action tous ses réseaux, tout son carnet d'adresses pour traquer l'ennemi public numéro un jusqu'à Khartoum. Ce sont les services secrets saoudiens et américains qui l'ont mis sur la piste. Ces dernières semaines, le général a fait plusieurs voyages au Soudan pour confirmer la présence du terroriste dans la capitale, mais surtout pour convaincre le chef des services secrets de ce pays de lui livrer cet encombrant personnage. En même temps, le régime du président Omar Hassan el-Béchir ne s'est pas fait prier, tant il souhaite redorer son blason auprès des puissances occidentales et éviter les sanctions. Et puis Carlos, qui a toujours été incontrôlable, ingérable, est devenu un poids, un retraité gênant partout où il passe. Ilich Ramirez Sanchez, alias Carlos, est né le 12 octobre 1949 à Michelena, à l'ouest du Venezuela. Son père est un notable, un riche avocat communiste. Il imprègne ses trois fils de culture marxiste et d'idéologie révolutionnaire, comme en témoigne l'un de ses frères, l'un des frères de Carlos, interrogé au Venezuela en 2011 par l'AFP. Papa, quand il était en vie, était un militant marxiste-léniniste très cohérent avec son idéologie. Et de fait, les prénoms des trois frères donnent ensemble Vladimir Ilitch Lénine. Il ne nous a pas autorisés à aller à l'école primaire, car à l'époque, il y avait des cours d'éducation religieuse. Sans aucun doute, papa a inculqué à Ilitch la nécessité d'intégrer la lutte internationale contre l'impérialisme, sans aucun doute. Des maîtresses d'école marxistes viennent enseigner à la maison. Le père possède de belles propriétés et ne manque pas d'argent. Mais il veut une éducation de vaillants communistes. Adolescent, le futur Carlos lit beaucoup de textes politiques et rejoint les jeunesses communistes au Venezuela. Fidel Castro, Che Guevara sont ses idoles, bien sûr. Très jeune, il aurait d'ailleurs séjourné à Cuba, maison mère de la nébuleuse révolutionnaire imprégnée de tiers-mondisme et de lutte armée, idée véhiculée par une logorée bien spécifique. Les mots sont aussi des armes. Ilitch a 17 ans quand ses parents divorcent. Sa mère s'installe à Londres avec les enfants pour qu'ils reçoivent une bonne éducation dans les écoles les plus prestigieuses. Mais le jeune Ilitch n'est pas un grand travailleur. Aux études, il préfère les soirées, la drague et les endroits fréquentés par la jet set. Jusqu'à ce que son père reprenne en main ce fils turbulent et l'envoie à Moscou dans la célèbre université Patrice Lumumba. Moscou est dans ses années de guerre froide le phare, bien sûr, du bloc socialiste et accueille les enfants de l'intelligentsia internationaliste des pays frères. À l'université, Ilitch Ramirez Sanchez se fait repérer. Oh, pas pour ses bonnes notes. Non, mais à nouveau pour ses virées nocturnes et son goût pour la fête et l'alcool. Le président du Parti communiste vénézuélien, Gustavo Machado, ami intime de la famille Ramirez, croise à l'époque Carlos et ses amis étudiants à Moscou. Je les ai vus à Moscou et ils n'étudiaient pas. C'était des gens sans contrôle. Ils recevaient beaucoup d'argent. Ils faisaient de la politique. Ils faisaient de la... Des épigeons qui avaient beaucoup d'argent, qui avaient des guitares, des jeunes filles, de tout ça. Oui, il paraît qu'il était, c'était un homme infâme. Un infâme, oui. Bon, alors, le rendement académique était très mauvais. Au bout de 2 ans, Carlos se fait expulser du RSS pour provocation antisoviétique et vie dissipée. A-t-il déjà noué des liens avec le KGB, comme le pensent certains de ses biographes? S'agit-il d'une vraie fausse expulsion? C'est une hypothèse, mais ce qui est certain, c'est que la vie de Carlos bascule en cette année 1970 et que sa carrière de terroriste ou de révolutionnaire professionnel prend forme à partir de ce moment-là. Il a tout juste 21 ans. « Quelques mois après son départ de Moscou, Ilich Ramirez Sanchez se rend à Amman, la capitale de la Jordanie, où il se rapproche des milieux palestiniens qu'il a déjà fréquentés à Moscou. La Palestine, c'est la grande cause révolutionnaire de ces années-là, la cause qui mobilise des millions de jeunes et de moins jeunes dans le monde entier, particulièrement dans les milieux d'extrême-gauche. Mais le futur Carlos ne vient pas en touriste, ni en simple militant. Il suit un stage d'entraînement militaire dans un camp dirigé par le Front Populaire de Libération de la Palestine, le FPLP. Au début des années 70, ce groupe, dirigé par George Habash, est la plus importante des organisations palestiniennes actives en Jordanie. Elle est membre de l'OLP et se revendique à la fois du nationalisme arabe et du marxisme. Les combattants armés du FPLP sont solidement implantés dans les camps de réfugiés palestiniens de Jordanie. Ils sont financés par certains pays arabes et par les pays du bloc communiste qui voient en eux une bonne façon de déstabiliser l'Occident suivant la dialectique simpliste des deux blocs « les ennemis de mes ennemis sont mes amis ». Vu sa formation marxiste, sa culture familiale, il est assez logique que le jeune Vénézuélien exalté à la recherche d'une cause et d'un idéal se retrouve dans la marmite révolutionnaire du Moyen-Orient. Et puis Carlos est meilleur élève pour tirer la Kalachnikov et manier les grenades qu'il ne l'était sur les bancs de l'université. Tellement bon élève d'ailleurs qu'il se retrouve 3 ans plus tard à la tête des opérations externes du FPLP. C'est à cette période qu'il se choisit un nom de guerre, Carlos. Le 30 décembre 1973, il passe à l'action dans une ville qu'il connaît bien, Londres. Il a pour mission d'assassiner Joseph Edward Sif. Cet homme d'affaires pro-israélien est le président de la célèbre chaîne de magasins Marks & Spencer. Il est aussi l'un des responsables de la Fédération sioniste britannique. Mais son premier attentat est un échec. Il manque sa cible et se réfugie en France. Après Londres, c'est Paris qui est visé, avec toujours en ligne de mire des cibles qui ont un rapport avec Israël, des juifs connus, des symboles, comme en ce dimanche 15 septembre 1974, boulevard Saint-Germain. Commençons donc tout de suite par ce qui s'est passé à l'angle du boulevard Saint-Germain et de la rue de Rennes à Paris. Il y a 2 heures à peine, au rayon des tabacs du drugstore, une grenade a été lancée par un homme qui se serait trouvé au premier étage du bâtiment et qui pour l'instant n'a pas été identifié. L'explosion a été terriblement violente, des hommes, des femmes sortaient hagards, le visage ensanglanté. Et après la panique qui s'en est suivie, les pompiers relevaient 20 de blessés et un corps sans vie. Le drugstore Saint-Germain, l'enseigne du patron juif de Publicis Marcel Bleustein-Blanchet, le père fondateur de la publicité en France, est cette fois la cible. Carlos n'est pas encore repéré. Devant la presse, le préfet de police de Paris fait état des premières pistes. C'est un attentat, c'est sûr, c'est une grenade. Est-ce qu'on connaît les mobiles de cet attentat? Absolument pas, si je savais tout ça... J'aurais déjà arrêté le coupable. Est-ce qu'on a un signalement de la personne? On a un signalement très vague. C'est un monsieur qui a jeté 7 grenades du premier étage. Nous avons un témoignage très précis sur le jet lui-même. Nous avons un signalement et c'est tout ce que nous savons pour l'instant. Bon, c'est un jeune homme de 25 ans, semble-t-il, avec une veste grise. Il avait l'air excité? Pas du tout. Le terrorisme des années 70 a déjà tout compris de l'énorme impact des médias qui décuple l'effet de souffle d'une bombe et répand la peur sur la ville. 13 janvier 1975, Carlos monte cette fois un véritable commando pour une attaque qu'il veut spectaculaire. Équipé d'un lance-roquettes, l'équipe se poste sur une voie qui donne accès aux pistes de l'aéroport d'Orly et tire. La première roquette qui vise un Boeing 707 de la compagnie israélienne El Al n'explose pas et s'écrase sur une voiture. La seconde transperce un DC-9 yougoslave. Nous nous sommes retournés à la première explosion et ensuite la deuxième explosion a été très nette. Et là j'ai bien vu qu'il y avait un type qui épaulait, qui avait à l'épaule un long tube kaki et qui a donné un coup dans, qui reculait dans une voiture blanche, une 504 blanche. Ils étaient deux, ils ont un petit peu tourné devant, ils étaient énervés parce qu'ils ont cassé leur pare-brise certainement à ce moment-là. Et moi je suis allé au filtre de police qui était là pour lui dire qu'on tirait. Parce qu'à ce moment-là j'ai vu l'avion d'El Al qui venait, où est actuellement l'avion Oka là, mais il était en sens contraire, c'est-à-dire qu'il venait vers nous et ensuite il se dirigeait vers là. Et je ne sais pas s'ils ont tiré dans l'avion de El Al ou bien dans l'avion de la Yacht. Carlos revendique l'action et prévient « La prochaine fois, nous toucherons notre cible ». De fait, à peine une semaine plus tard, fait unique dans l'histoire du terrorisme, Carlos revient au même endroit, à Orly, malgré la surveillance policière. Le commando récupère un bazooka caché dans les toilettes et gagne la terrasse de l'aéroport. Dans ces conditions, autant demander à un crocodile de se présenter dans une maroquinerie. Et le groupe est forcément repéré par la police au moment où il s'apprête à viser une nouvelle fois un avion de la compagnie El Al. Alors, une fusillade éclate. Le commando prend deux personnes en otage et, après 10 heures de négociations, il obtient finalement un avion pour se réfugier à Bagdad. Il est vrai qu'à cette époque, les terroristes arrivent à s'extraire de leurs sourcilières grâce à des complicités de pays amis, des pays refuges, ce que George Bush appellera plus tard, avec le sens de la nuance qu'on lui connaît, les pays voyous. Muni d'une collection de faux passeports, Carlos semble insaisissable et il continue de circuler tranquillement en Europe. Moins d'un an après l'opération d'Orly, il est de retour à Paris. Le soir du 27 juin 1975, il passe une soirée tranquille avec quelques amis dans un studio de la rue Toulier dans le quartier latin. Musique, guitare et bouteille de whisky, il fête le départ d'une amie qui repart au Venezuela quand deux policiers sonnent à la porte. Ils sont à la recherche d'une colocataire absente ce jour-là. Vérification d'identité, les policiers de la DST reconnaissent Carlos sur une des photos qu'ils ont en main. Au moment où le piège se referme sur lui, il sort une arme et abat l'un après l'autre les deux agents de la DST. Il disparaît aussitôt dans le quartier Saint-Michel. En menant l'enquête rétouliée, l'identité judiciaire récupère des empreintes. Carlos a posé ses doigts sur 3 bouteilles et 2 verres. La police judiciaire les compare et découvre qu'elles sont celles d'un homme fiché par les autorités vénézuéliennes, un certain Ilich Ramirez Sanchez. À partir des meurtres de la rue Toulier, une photo de Carlos, toujours la même, commence à circuler dans les commissariats et les rédactions. Lunettes fumées, face ronde, 2 favoris qui encadrent un visage énigmatique. La légende Carlos commence à courir. Une légende qui ne va faire que grossir après l'opération la plus insensée qu'il prépare en secret. Un mélange de terreur et d'audace stupéfiante. Comme s'il fallait toujours mettre la barre plus haut. Been thinking about what you have done to me. I've been thinking about what you have done to me. Damage is much deeper than you'll ever see. Hit me like a hammer to my head. I wonder where you pushed or where you led. Why did you do it? Why did you do that thing to me? Why did you do it? Why did you do that thing to me? Truth, man, that's him, me and you. My friends, they listen to the things I say. They listen and they hear more every day. But I know they never understand it. Because it was no accident, you planned it. Why did you do it? Why did you do that thing to me? Why did you do it? Why did you do it? Why did you do it? Why did you do that thing to me? Carlos a levé le poing en criant « Viva la révolution !» Je sais pas s'ils ont tiré dans l'avion de El Al ou bien dans l'avion de Zayal. C'est un attentat, c'est sûr. C'est une grenade. La 46e conférence ministérielle de l'OPEP s'ouvre normalement ce matin à 10h30 au siège de l'organisation situé à côté du célèbre opéra de Vienne, au cœur de la capitale autrichienne. Le siège de l'OPEP est d'un accès facile, pas de surveillance renforcée, et c'est ce qui a permis sans doute aux terroristes de réussir leur coup. 11h40, 5 personnes passent la porte d'entrée sans attirer l'attention. Ils demandent même leur chemin à une hôtesse qui se trouve dans le hall derrière son bureau. Le commando arrive à l'étage où se trouve la salle de conférence à laquelle sont réunis les ministres de l'OPEP. Les quelques gardes du service de sécurité s'interposent. Alors les terroristes sortent leurs armes enfermées dans les sacs et ils ouvrent le feu. Deux agents de sécurité et un délégué irakien sont tués sur le coup. Trois autres personnes touchées par les balles s'écroulent. Vous devinez la confusion qui s'ensuit, tout le secteur est rapidement bouclé par la police, les blessés sont évacués à la hâte et peu après, les terroristes font connaître leurs exigences, ils veulent que leur chef blessé leur soit rendu et ils demandent également un autocar puis un avion pour pouvoir quitter l'Autriche. En fait, Carlos n'est pas blessé. Il négocie pendant des heures ce 21 décembre 1975 avec les autorités autrichiennes. Il finit par relâcher une partie des otages et il obtient un avion de ligne pour Alger. Mais pourquoi avoir séquestré des ministres du pétrole, dont beaucoup d'Arabes? Eh bien parce qu'un certain nombre de pays producteurs sont considérés comme des traîtres par le FPLP, trop proche des États-Unis, comme l'Arabie Saoudite ou pas assez solidaire de la cause palestinienne. Alors quel État ou quels États sont derrière cette opération spectaculaire? L'Irak peut-être, bien que Carlos l'ait toujours nié. Et la Libye, sans aucun doute, puisque le commandant de bord qui transporte les otages et le commando jusqu'à Alger n'est autre que le pilote personnel de Muammar Kadhafi. Je devais exécuter deux ministres, le saoudien et l'iranien, à la fin de l'opération de Vienne, dira Carlos quelques années plus tard. Et il ajoute avec cynisme, j'étais trop optimiste en pensant qu'après notre atterrissage à Alger, j'en aurais encore l'occasion. Mais les Algériens m'ont dit, tu devais les tuer avant. Là, tu ne peux pas le faire sur notre sol. Après cette prise d'otage qui a glacé le monde entier, Carlos quitte rapidement l'Algérie pour la Libye, puis pour le Yémen du Sud. À Aden, il retrouve les dirigeants de son organisation, le FPLP. Aux yeux du Front populaire de libération de la Palestine, la prise d'otage de Vienne a mal tourné. Carlos doit rendre des comptes. Il aurait dû exécuter les deux ministres. Après cette explication houleuse, il est accusé de n'en faire qu'à sa tête. Considéré comme incontrôlable, il est écarté de la responsabilité des opérations extérieures. Mais le terroriste vénézuélien a qu'une dimension internationale, et pour lui, c'est l'essentiel. Il soigne son look de combattant révolutionnaire. Sur le tarmac de l'aéroport d'Alger, on l'a vu coiffé d'un béret à la Che Guevara. L'image fait le tour du monde, Carlos commence à fabriquer son propre mythe. Il possède le sens des médias et ce qui va avec un ego surdimensionné. Désormais, Carlos est un électron libre, il va agir en mercenaire. Financé par des pays comme la Syrie, l'Irak, la Libye ou les pays de l'Est, il devient une sorte d'auto-entrepreneur du terrorisme aux revenus non plafonnés. Car il fait payer très cher ses services à coups de millions de dollars, ce que lui permet, entre deux opérations, de continuer à vivre la grande vie. France Inter, Affaires sensibles, Fabrice Drouel. Notre invité aujourd'hui, Laszlo Liskay, journaliste. Il a écrit Carlos à l'abri du rideau de fer, un livre de référence sur les liens du terroriste avec les anciens pays de l'Est. Nous lui donnerons la parole dans 5 minutes. Le milieu des années 70, c'est aussi l'époque où Carlos fait une rencontre sentimentale déterminante. Il tombe amoureux d'une Allemande d'une trentaine d'années au charme fou. Peau diaphane, cheveux noirs, regard intense, Magdalena Kopp est photographe, mais surtout militante d'extrême gauche, membre fondatrice des Cellules Révolutionnaires, une organisation clandestine allemande. La rencontre avec Carlos n'est pas étonnante, car de nombreux groupes d'extrême gauche se croisent et s'entrecroisent dans une sorte de mondialisation du terrorisme. Brigade Rouge en Italie, Fraction Armée Rouge en Allemagne, Action Directe en France, Armée Rouge japonaise. L'idylle entre les deux combattants clandestins va durer des années, secoué par les sautes d'humeur et les incartades de Carlos. Cette histoire d'amour va surtout avoir des conséquences dramatiques, avec l'arrestation de Magdalena Kopp un jour de février 1982 dans un parking près des Champs-Élysées. Dans la voiture sont saisies deux bouteilles de gaz, 5 kilos de pintrite, un explosif utilisé par la marine française et une série de plans détaillés. L'arrestation de Magdalena Kopp et de Bruno Breguet, l'adjoint de Carlos, marque un tournant, car pour obtenir leur libération, Carlos lance une série d'attentats qui tétanisent la France entre 1982 et 1983. Mars 82. Une bombe explose dans le train Capitole entre Toulouse et Paris. Elle fait 5 morts et des dizaines de blessés. Un mois plus tard, le 22 avril, le procès de Magdalena Kopp et de Bruno Breguet se tient au palais de justice de Paris. À quelques minutes de l'ouverture, une Opel cadette orange, immatriculée en Autriche et bourrée de TNT, explose au 33 de la rue Marbeuf, devant le siège du journal libanais Al-Watan Al-Arabi. Un mort, 63 blessés. Le procès des complices de Carlos se déroule dans cette ambiance de bruit et de fureur. Fortement escortés, les deux terroristes se sont donc retrouvés pour la première fois depuis leur arrestation le 16 février. Ils étaient au secret jusqu'ici et n'avaient même pas été confrontés pendant l'instruction puisqu'ils refusaient de parler. Fiers, hautains, le sourire méprisant, ils se moquent du procès. Ils ne se lèvent même pas à l'appel de leur nom, comme s'ils étaient certains que, quelle que soit leur condamnation, Carlos ou un autre les fera libérer. Car ce n'est pas les arguments qui manquent, on l'a déjà vu d'ailleurs dans d'autres affaires. Alors le président du tribunal, M. Georges Diemer, lui ne se laisse pas impressionner. Il dit aux deux terroristes qui se prétendent être des soldats, il leur dit ceci, pour moi un soldat, eh bien ça ne s'attaque pas avec 5 kilos de pain trite à la population civile sans défense. Litanie des attentats, litanie des bombes, la France est sous le choc. Et ça continue. 31 décembre 1983, explosion d'une bombe dans la gare Saint-Charles de Marseille dans un TGV Marseille-Paris. Pendant 2 ans, Carlos sème la terreur. Au total, 11 morts et près de 140 blessés. Après cette série d'attentats en France, Carlos, comme d'habitude, s'évanouit dans la nature. En 1985, il s'installe en Syrie. Magdalena Kopp le rejoint à Damas après sa sortie de prison. Le couple va avoir une fille, Rosa, comme Rosa Luxembourg, la révolutionnaire allemande. À la fin des années 80, Carlos est l'un des hommes les plus recherchés de la planète. Mais c'est aussi le moment où l'histoire du camp socialiste bascule. L'Empire soviétique est en train de se fissurer. Et Carlos perd le soutien de ses anciens protecteurs. Chute du mur de Berlin, première guerre du Golfe, les alliances redessinent. Carlos est devenu indésirable en Syrie. Alors il quitte Damas. Et Magdalena Kopp, lassée de cette vie clandestine et de son héros inconstant, en profite pour se mettre à l'abri au Venezuela avec ses 2 enfants. Tripoli, Amman, Carlos en perdition joue à saut de frontière jusqu'à trouver refuge au Soudan. Ce sera sa dernière étape, celle d'un retraité du terrorisme qui cherche une dernière planque jusqu'à cette fameuse arrestation, ou plutôt cet enlèvement, à Khartoum. À peine débarqué sur le sol français en août 1994, Carlos est conduit au siège de la DST. Le juge antiterroriste Jean-Louis Bruguère, revenu spécialement de vacances, prend en charge le dossier. En fait, Carlos n'a pas grand-chose à perdre. Alors qu'il était en cavale, il a déjà été condamné par contumace à la réclusion à perpétuité pour les meurtres des inspecteurs de la DST rue Toulier. En prison, il joue les grands seigneurs et reste fidèle à son personnage de terroriste flambeur. Il se fait livrer des produits cosmétiques, des habits et des chaussures de qualité. Après 3 ans et demi d'instruction, son procès se tient, tant attendu. Il s'ouvre devant la cour d'assises de Paris le 12 décembre 1997. Depuis 3 ans, Carlos jubilait à l'idée de faire face à ses juges. Ce matin, tout un escadron de gendarmerie, 75 hommes, était en renfort pour son procès. Fait exceptionnel, les magistrats, les avocats ont été fouillés avant leur entrée au palais de justice. Les familles des 2 policiers abattus en 75 ont-elles hésité à venir jusque devant les caméras, craint peut-être de faire face avec leur mort et leur douleur vieille de 22 ans au mythe Carlos. On va les faire chier, souffle Carlos à ses avocats, je le cite au mot près. Face au juge, il manie l'insolence. N'oubliez pas qui je suis, lance-t-il au président de la cour d'assises. Vous me devez du respect. C'en est presque comique. Plus fanfaron que jamais, Carlos toise ses juges tout le long du procès. Un Carlos jovial, décontracté devant la cour, et qui, pendant qu'on désigne les jurés, adresse à chacun, et particulièrement aux femmes, un large sourire. Carlos bavard, intarissable, mais qu'on comprend mal avec son fort accent espagnol. Très vite, celui qui se présente comme un révolutionnaire international attaque. D'abord, l'association SOS Attentat, partie civile, et ses avocats, manipulés selon Carlos par Israël. Pendant l'audience, les avocats de Carlos se sont tus, c'était la consigne de leur client. Avec lui, il demande à la cour d'annuler ce procès qu'il juge illégitime. Après 12 jours de procès, la cour d'assises de Paris condamne Carlos, sans surprise, à la prison à vie. France Inter. On a joué les prolongations jusqu'aux petites heures du matin au procès Carlos. D'abord, parce que l'accusé, après les plaidoiries, s'est lancé dans un discours fleuve de 4 heures, parlant d'un scandale de proportion majeure que l'on voulait cacher. Puis les jurés se sont retirés pour délibérer, et cela encore duré 4 heures. Et c'est finalement à 1h20 du matin que la cour d'assises a rendu son verdict, conforme aux réquisitions de l'avocat général, la réclusion criminelle à perpétuité pour le triple meurtre de la rue Toulier. Réaction de Carlos à l'énoncé du verdict, il a levé le poing en criant « Viva la révolution !» 4 ans plus tard, Carlos est de nouveau jugé, mais cette fois devant la cour d'assises spéciale de Paris pour les 4 attentats commis en France 30 ans auparavant. L'accusation insiste sur l'extrême dangerosité actuelle, absolue et constante de l'accusé. Carlos est défendu par sa nouvelle femme, Isabelle Coutant-Père, une avocate qu'il a épousée en prison. Nouvelle condamnation à perpétuité, confirmée en appel. Quand le président du tribunal demande à Carlos quelle est sa profession, le terroriste lui rétorque « Mais vous savez très bien que je suis révolutionnaire professionnel. » Mars 2015, Ilich Ramirez Sanchez a déjà passé plus de 20 ans derrière les barreaux. Il lit la presse internationale, il écrit, il a même publié son autobiographie intitulée « L'islam révolutionnaire » dans laquelle il dit tout le bien qu'il pense de Ben Laden et de Saddam Hussein. Pour Hugo Chavez, le président vénézuélien mort en mars 2013, Carlos est un héros révolutionnaire. Un héros a-t-il seulement fait avancer d'un pouce la cause palestinienne qui était le fil conducteur de sa vie? N'a-t-il pas plutôt contribué à la criminaliser? Alors, qui est vraiment Carlos? Le marxiste révolutionnaire, le fou des armes, le séducteur, le bourgeois solitaire, le mégalo du plasticage? Peut-être. Et avant tout, est-il ce chef égocentrique qui s'était rêvé un destin et qui confie un jour à l'un de ses compagnons « Plus on parle de moi, plus j'ai l'air dangereux, mieux c'est ». Sauf que depuis 21 ans, on a cessé d'avoir peur de Ilich Ramirez Sanchez Di Carlos, mieux c'est. I just so wanna be a woman. Affaires sensibles sur France Inter. Aujourd'hui, Carlos, notre invité, Laszlo Liskay. Bonjour. Bonjour. Je rappelle que vous êtes journaliste et que vous avez écrit ce livre intitulé « Carlos à l'abri du rideau de fer ». On a évoqué dans le récit les connexions avec l'Europe communiste. On y reviendra, surtout avec vous, puisque c'est vraiment le thème de votre livre. D'abord, pourquoi vous êtes-vous intéressé à Carlos, précisément pour cette connexion avec cette partie de l'Europe dont vous êtes originaire? Je rappelle que vous êtes d'origine hongroise. Oui, parce que à l'époque, moi, j'ai travaillé à la télévision hongroise, j'étais un grand reporter. Et un après-midi, le ministre de l'Intérieur de l'époque était un peu bourré au Parlement et il faisait des confidences, enfin, en disant que, voilà, vous le savez, il y avait des différents groupes terroristes qui s'entraînaient en Hongrie. Bon, alors, toute la presse a précipité, donc mon chef m'a demandé d'aller faire une enquête. Donc, j'ai fait connaissance avec deux ou trois personnes qui étaient d'anciens services. Ils étaient dans le service antiterroriste à l'époque, donc qui ont traité l'affaire Carlos pendant des années. Et après les interviews, finalement, j'ai commencé à sentir qu'il y en a beaucoup plus derrière. Donc, je commençais à gratter. Et en venant à Paris, j'ai discuté avec mon futur éditeur, l'édition Seuil. Et finalement, j'ai pu faire une enquête pendant 2 ans. Voilà. Et est-ce qu'il y a des difficultés ou quelles sont les difficultés à enquêter sur ce personnage-là? Parce qu'il y a des zones d'ombre, il y a des choses qu'on ne veut pas dire. Il faut aller chercher, hein, j'imagine. Bien sûr. Bon, chaque fois quand on fait quelque chose, il faut être le bon moment, le bon endroit. Donc j'étais le bon endroit parce que j'étais à Budapest. Deuxièmement, à l'époque, c'était l'époque quand la chute du mur de Berlin. Donc tous ces gens qui quittaient le service ou ils étaient encore au service voulaient parler, voulaient se dédouaner, enfin, de l'expliquer. Donc, il était un peu plus bavard qu'auparavant. Ils ont prêté serment pour le drapeau communiste. Donc, avec un journaliste, j'ai gagné leur confiance. Donc, ils ont commencé à parler. Et c'est vrai que, pour avoir certains documents, ils m'ont promis. Après, finalement, j'ai pas eu, mais j'ai récupéré quand même le 2 heures de film sur lesquels les officiers de sécurité d'État discutent avec Carlos pendant 2 heures et demie. Donc, Hongrois. Je l'ai vu en hongrois. Mm-hmm. Oui. Et bah, il y avait une interprète en anglais. Donc, ils ont discuté en anglais. Et après, bon, allez, je suis allé à Berlin, je suis allé aux États-Unis, en Russie, à Moscou. Donc, j'ai voyagé un peu, j'ai essayé. Il fallait trouver de bons contacts. Et quand on arrive avec des informations ou un échange, où il y a des moyens pour faire parler les gens, voilà. Alors, effectivement, les gens ont envie de parler, c'est un peu la thérapie par la parole appliquée à l'histoire, hein, pour ce qui concerne les gens de l'Est. Alors, justement, on va s'intéresser un peu au parcours de Carlos et cette façon, cette possibilité de se réfugier, de se préparer dans le bloc communiste. Alors, on l'a dit, c'est simple, les ennemis de mes ennemis sont mes amis, finalement, hein, puisqu'ils déstabilisent l'Occident, c'est très très bien, c'est un outil formidable. Est-ce que c'est en Allemagne de l'Est, comme d'autres terroristes l'ont fait, qu'ils s'entraînent le plus? Est-ce que l'Allemagne de l'Est joue un rôle prépondérant dans cette histoire-là? Oui ou non, mais pas avec Carlos. Carlos, enfin, pour partir, parce qu'à l'époque, il est d'abord quand Georges Abache, enfin, le patois FPLP sont morts, donc il y a une décision, et il y a deux personnalités très importantes là-bas, Abou Nidal et Carlos à Bagdad. Et Saddam arrive au pouvoir, et Saddam, il veut tout chapeauter, donc il veut qu'il travaille pour lui. Alors, Carlos, il ne travaille jamais à qui que ce soit, il veut travailler pour soi-même, donc il veut prendre sa licence du travail, et il se barre en Europe. Parce que c'est l'endroit qui pense qu'il peut travailler de plus. Bon, en Allemagne de l'Est, Berlin, ça lui marche pas parce que... Contrairement à d'autres terroristes. Contrairement hein, des autres. Beaucoup entraînés parce que son adjoint, Weinrich, qui est un Allemand, donc c'est lui qui sera le contact, c'est lui qui est en contact avec le 22e bureau de service connu Stasi, qui manipule, qui traite les terroristes. Et eux, ils font des échanges, des informations, des actions. Ça, c'est autre chose. Mais Carlos, finalement, bon, il regarde Prague, Budapest, Bucarest. Il ne peut pas aller à Varsovie, parce que Varsovie, c'est le territoire de Abou Nidal. Donc, eux, ils arrivent à Budapest. Et finalement, à l'époque, comme disait, c'était le baraque le plus gai de camp communiste. On pouvait manger, il y avait des restaurants. Le fameux modèle économique hongrois. Voilà. Donc, il y a des belles hôtels, le téléphone marche, le telex marche, on peut avoir des billets d'avion, donc on peut aller à Damas ou Parbol, partout en Europe. Donc, point de vue de l'infrastructure, c'est un endroit idéal. Et quand ils arrivent dans un hôtel, c'est historiquement, c'est le service qui traitait des hôtels, qui devient le service de l'antiterroriste, parce qu'ils allaient des fiches qu'il remplit, bien sûr, ils n'ont pas son nom, mais il fait du cinéma, il sort de revolver, il balade, donc l'hôtel alerte tout de suite le ministère de Sécurité de l'État. Donc ce sont des gens qui s'occupaient des danseurs de bar, de striptease ou des hôtels qui débarquent, qui deviennent un grand spécialiste de terrorisme. Donc à partir de ça, il commence un jeu, souris et chat, qu'il essaye de repousser parce que la haute direction politique du Parti communiste, ils disent qu'il ne veut pas parce que d'abord, il attire l'attention à tout le monde, tous les services occidentaux. Deuxièmement, ils sont prudents parce qu'ils veulent savoir que est-ce que les camarades soviétiques est-ce qu'ils travaillent pour les camarades soviétiques ou non. Donc, il veut pas marcher non plus sur les plates-bandes. Donc, au début, c'est ticket easy. La Slowly Sky, on va se retrouver dans 3 minutes pour continuer cette discussion autour de Carlos et on va écouter un titre qu'on écoutait à l'époque en 1994, en l'occurrence Stéphane Escher, c'est Des hauts, des bas, un peu comme la carrière de Carlos. On passait sous ma porte. Je comptais vivre fort et que le diable m'emporte. J'allais à la fenêtre, enroulé dans un drap. Je secouais la tête. J'en écartais les bras. J'avais des hauts, j'avais des bas. J'avais plus ou moins chaud toute la vie devant moi. J'avais des hauts, j'avais des bas. Je crois j'en voulais trop. J'aimais mieux ce que je ne voulais pas. Ce que je ne voulais pas. J'étais enfermé, erré pendant des jours. Oh, des chemins s'ouvraient. Oh, des questions en retour. Je n'avais pas tué mon père, mais je ne me souvenais pas ce qu'il me disait de faire. Ce qu'il ne disait pas. J'avais les hauts, j'avais les bas. J'avais plus ou moins chaud toute la vie devant moi. J'avais les hauts, j'avais les bas. Je crois j'en voulais trop. J'aimais mieux ce que je ne voulais pas. Solid Sky, quand on observe, quand on l'observait, quand on écoutait Carlos pendant sa vie de terroriste, il paraît tellement de lui, vous dites vous-même, c'était du cinéma, il en faisait tellement autour de lui, qu'on a du mal à savoir quelle était son idéologie exacte, s'il en avait vraiment une. C'était quoi les ingrédients de sa pensée politique? C'est difficile à définir, mais je pense que vous avez décrit très très bien tout à l'heure. Il avait bien sûr de cette conviction de base héritée de son père de l'époque de l'Amérique latine qui était égrangé des idées révolutionnaires de Che Guevara, de Bolivar et tout. À partir de ça, c'était de l'idéalisme. Après, à Moscou, ils se rendent compte que le communisme réalisé, c'était un peu froid, un peu gris. C'est pas ça ce qu'ils cherchaient, donc ils voulaient aller sur le terrain. Donc en Jordanie, et qu'ils se battent avec ou avec la FPLP. Mais ça, c'est non plus. Donc c'est le Moyen-Orient non plus. Donc ils préféraient un certain confort. Et c'est pour ça qu'ils se retrouvent. Le lieu, c'est en Europe. Mais bien sûr, ils se réfugient toujours de cette théorie que je suis un révolutionnaire. Dans ces auditions avec le juge Bruguère ou devant le procès, c'est toujours « je suis un soldat ». Ça, je ne peux pas vous répondre parce que c'est considéré un réseau révolutionnaire, donc je ne peux pas trahir les autres. Donc, c'est son idéologie, il est devenu, il dit, révolutionnaire professionnel. Ça veut dire que quand on est professionnel, on est aussi un peu mercenaire. C'est donc, ça. Il y a des commanditaires. Donc, il y avait des États. C'était toujours un jeu hein, qui voulait en profiter, qui manipulait qui. Il pensait que c'est lui qui manipule ces pays, mais ces pays, quand même, étaient plus forts parce qu'à la fin, quand ça changeait le régime, c'est vu les pays de l'Est. Il expulse, il refoule. Et après, c'est le régime de Syrie qui était le dernier. C'est Hafez al-Assad de Damas. On lui demande gentiment de dégager. Donc, c'était un peu ces pays-là étaient un peu, pour lui, quelque part, des clients. Quoi. Des clients, c'est un peu ça, hein. Absolument. Bon. Oui. Autrement, on ne peut pas fonctionner. Ouais. De cette envergure, c'est impossible. Alors, parmi ces clients, si j'ose dire, il est confirmé que Kadhafi, il a travaillé vraiment pour Kadhafi. Ça paraît clair, aussi, si tant est que puisse y avoir des choses claires. Non, aussi. C'est-à-dire que l'OPEP, c'est de l'action à l'OPEP, c'est Kadhafi qui commandait, qui était fou furieux contre Yamani, enfin le ministre saoudien et l'iranien, parce qu'à l'OPEP, ils ont baissé les prix, selon les demandes des Américains, le prix de pétrole. Et ça touchait de l'intérêt économique de la Libye. Kadhafi était fou furax et il a passé une commande. Alors, est-ce que, puisqu'on parle de Kadhafi, est-ce que Kadhafi a financé Carlos pour un projet d'assassinat du président égyptien Anwar el-Sadat, qui finira assassiné le 6 octobre 1981, mais pas, apparemment, pas, non, c'est pas par Carlos, c'est par les frères musulmans. Il n'a pas financé, il avait un contrat. Mmh. Il avait un contrat à l'époque pour assassiner Sadat, et il y avait un autre contrat aussi pour, je pense que c'était pour Bush. Donc, eux, ils étaient en train de monter, comment on peut faire, il y avait même des histoires de sous-marins. Donc, ça, c'est ce qui sort des écoutes ou des documents que les services hongrois ont récupérés. Donc, et ils entendent la radio le matin que Sadat a été tué. Alors, ils étaient furax, c'est tout à fait furieux parce que c'est quelqu'un d'autre qui les a doublés. T'es doublé, voilà. Ouais. Alors, en 1994, 5 ans après la chute du mur, les archives de la Stasi de l'ex-Allemagne de l'Est donc révèlent le rôle officieux, alors c'est autre chose, hein, tenu par Jacques Vergès. Vergès était une star du barreau français, et on y apprend que l'avocat a pu servir de messager en 1982 entre Carlos et le pouvoir en France, la France qui était aux prises avec les attentats. Alors c'est ce que dit, tout en le nuançant, hein, et notamment le journaliste Luc Rosenzweig sur France 2 le 18 août 1994. On l'écoute, on en parle ensemble après. Il est maintenant établi, au vu du dossier rassemblé par la justice allemande sur le cas Carlos, qu'au moment où il s'agissait de faire cesser les attentats commis par Carlos en France pour faire libérer sa compagne Magdalena Kopp, Maître Vergès, qui était l'avocat de cette dernière, a pris contact avec des membres des cabinets de Pierre Mauroy et Gaston Defer pour leur proposer une rencontre directe avec Carlos pour aboutir à un accord. Ce contact n'a pas eu lieu, mais en tout cas, Maître Vergès s'était déclaré en mesure de le faire aboutir. Il paraît que les démocraties ne négocient pas avec les terroristes. Alors, est-ce que vous avez bien sûr vent de cette histoire, évidemment. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? On négocie pas avec un terroriste, mais avec un avocat, c'est pourquoi pas. Mais au moins les services de pays de l'Est étaient convaincus que Vergès était en rapport avec les autorités françaises. Donc, eux, dès le début, ils ont dit que c'est pas possible, qu'ils savaient pas où est Carlos. Quand qu'ils ont vu que Vergès est allé à Budapest, il est allé à Berlin. loin. Donc à Budapest, ils ont essayé de mettre un micro, mais ils ont mis dans une vase, et comme ils ont mis de l'eau dans les vases de fleurs, enfin, donc ils ne pouvaient pas enregistrer, donc ils ne savaient pas ce qu'ils ont discuté, quoi. Mais ils ont entendu qu'ils ont parlé de procès, et pour eux, c'était évident que Vergès est venu de proposer de négocier avec le gouvernement français. Et après, ils ont continué la discussion à Berlin via son lieutenant. Donc, pour les services hongrois et allemands de l'Est, c'était évident qu'il y avait un message qui passait, et ce qui prouvait que la condamnation, c'était relativement pas très très sévère. Magdalena Kopp est sortie assez rapidement. Et quel rapport Carlos entretenait avec la France, pour le coup, qui était un théâtre d'opération pour lui, les attentats au Capitole notamment? C'était, la France représentait quoi pour lui dans ce concert international? Au début, c'est le premier histoire, c'est accidentel. Quand rue Toulier, oui, il tue le deux inspecteurs de la DST, DST, et surtout son chef, qui est un Libanais, qui a conduit les policiers à la maison, donc il pensait que l'autre, il a trahi. Donc c'est pour ça qu'il sort de l'évolver, il les bute, il les tue. Donc à partir de ça, il est à paria en France, donc il est suivi. C'est une chose, donc il veut jamais de retourner en France. Mais c'est l'enchaînement des circonstances qui fait... Voilà. Il ne veut jamais de retourner en France, sauf que quand elle envoie Magdalena Kopp, qui n'était pas un homme de terrain, elle était spécialiste, elle faisait des passeports ou des documents, elle était toujours à la maison, donc il ne maniait pas des armes, donc elle est coincée au garage de Champs-Élysées, et à partir de ça, il devient Don Quichotte pour sa Dulcinée, il lance une guerre contre la France. Puisque vous parlez des femmes, donc il a épousé ensuite son avocate, Maître Coutant-Père, et elle s'est exprimée sur France Inter concernant Carlos le 3 novembre 2011. On va l'écouter. Dans nos conversations, nous avons réalisé que depuis le mois de juin 1997, quand je suis devenue son avocat, il y a eu immédiatement une attraction réciproque. Ce qui s'est traduit en tout cas par la confiance qu'il a mise en moi en me désignant immédiatement comme la responsable de son collectif d'avocats. Et nous avons pendant longtemps mis une sorte de digue à ce qui était une attraction, en fin de compte, irrésistible. Mais vous acceptez le fait que, bon, on dise que Carlos a toujours été un grand séducteur, qu'il fabule aussi peut-être beaucoup? Écoutez, je n'ai pas de raison de ne pas croire mon futur mari sur ce point. Et si c'est un grand séducteur, je suis particulièrement flattée de devenir sa femme. Bel esprit de répartie. Elle a lu votre livre? Pardon? Vous avez eu des nouvelles telles? Oui, je pense que oui. On a parlé au téléphone, donc je sais qu'il a lu mon livre et il trouvait que de certaines choses, pas très loin de la vérité. Mais bon, après, la vérité de qui? De sa vérité ou de la vérité historique ou les vérités des autres qu'ils ont racontées, ça, il n'a pas précisé. Bien sûr. Alors, il nous reste une minute. Je voudrais avoir votre avis sur le film d'Olivier Assayas, en trois parties, sur Carlos. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce que vous pensez que c'est fidèle à ce qu'a été à la fois cet homme et son parcours politique et terroriste? On rend ligne peut-être, mais c'est un film de fiction. Mmh. C'est pas un film historique. Il y a des erreurs. Enfin bon, pour moi, c'est inimaginable que le chef de KGB russe, Andropov, aille à Damas pour recevoir Carlos à l'ambassade soviétique. Ça, c'est... Et deuxièmement, l'autre, je pense que ça, c'est une manip. C'était à l'époque des Américains. Voulaient tellement justifier pourquoi ils sont intervenus en Irak pour dire que c'est Saddam Hussein qui a commandé de l'histoire de l'OPEP. C'est Kadhafi qui l'a fait, voilà. Bien, merci Laszlo Liska. Il me reste à vous saluer et à rappeler surtout le titre de votre livre, si vous voulez en savoir plus sur Carlos. Il s'appelle Carlos, à l'abri du rideau de fer. Merci, au revoir. Merci. C'était Affaires Sensibles, aujourd'hui le terroriste Carlos, une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Rendez-vous également sur la page Facebook d'Affaires Sensibles. Demain, ce sera la fiction et ce sera au tour de Georges Simenon.